j'installe mon GPS. On est parti pour une virée. Qui même me suit, on sait pas à quoi ça va virer. C'est le coup particulièrement surveillé. Rappeur, tu veux nous péter, dors, paraît se réveiller. Et ça jusqu'au réveillon, jusqu'à la rébellion. GPS, c'est pas gag pour les salopes, ni pour les grosses fiottes qui vont addict chez les cops. Sans permis, la rue connaît ses codes. T'écoute quand tu fais du bruit sans leur le prolique. Y'a que nous sur les ondes pour pirater ta ligne téléphonique. Est-ce que tu nous reçois 5 sur 5? Moi j'enfile tes enceintes ou la sortie du labyrinthe. J'suis peut-être pas connecté dans le bon cap. Je sais qu'y'a pas que mon GPS qui a pété un cap. J'me balade un instant, j'roule mon speed sur le chemin. Passe-nous l'itinéraire ou casse-toi la fin. Bouge dans la ville de gauche, on arrive, c'est hoche. On a la rime qui fauche tout sur Paris. Bouge dans la ville de droite, on arrive chez Watt. On a la rime qui déboîte, tu paries. Bouge dans la ville de gauche, on arrive, c'est hoche. On a la rime qui fauche tout sur Paris. Bouge dans la ville de droite, on arrive chez Watt. On a la rime qui déboîte. T'as pas besoin de GPS. C'est la merde que tu cherches. V'là le groupe que tu fuis, le cours que tu sèches. Le temps que l'appareil calcule l'itinéraire. Je viens défouler mes nerfs, fumer speed funéraire. Quand tu cherches de l'aide, le monde est grand. L'heure est grave, je trouve pas la route de la réussite sur mon écran. Va falloir sauter les obstacles, skiffer les trous, ouais. Skiffer les coups et les numéros des trous. Welcome to Vitry sur scène, motherfucker. J'ai 9,4 grammes dans le sang de whisky coca. Quoi, quand je prends le volant, c'est perte et fracas. À chaque fois que des passagers que des traces de caca. Dans une bête de caisse, 4 pertes de fesses à l'arrière du 4-4 en feu de détresse. J'bombarde sur la concurrence en plein boulevard. J'prends même pas la grosse tête comme Philippe Bouvard. Bouge dans la ville de gauche, on arrive, c'est hoche. On a la rime qui fauche tout sur Paris. Bouge dans la ville de droite, on arrive chez Watt. On a la rime qui déboîte, tu paries. Bouge dans la ville de gauche, on arrive, c'est hoche. On a la rime qui fauche tout sur Paris. Bouge dans la ville de droite, on arrive chez Watt. On a la rime qui déboîte. Mon GPS se méfie des bâtards et des radars. Arrête ou je t'esquive comme un camta. Sans frein, sans GPS, de bon à Vitry. Moi c'est MC, j'rappe que des tueries. MC qui s'enregistre dans les dictaphones, les MJ. Ton plan est foireux, pourquoi sortir les taki-walkie? J'suis perdu quand y'a ta voix à la radio. Moi j'suis toujours partant, are you ready? Let's go. Tout le monde est sans pitié, donc ne me parle pas d'indulgence. Même si tu finis sur la bande d'arrêt d'urgence. Tu peux localiser les radars, les bouchons, les bâtards. Les bouffons et là-bas, les prisons. M.E.H. Tu captes l'attentat, je pars au quart de tour et passe toujours là où on m'attend pas. C'est vrai, c'est fou mec, comme le temps passe. Le tape-port indique que le rap français carbure au temps pas. Bouge dans la ville de gauche, on arrive, c'est hoche. On a la rime qui fauche tout sur Paris. Bouge dans la ville de droite, on arrive chez Watt. On a la rime qui déboîte, tu paries. Bouge dans la ville de gauche, on arrive, c'est hoche. On a la rime qui fauche tout sur Paris. Bouge dans la ville de droite, on arrive chez Watt. On a la rime qui déboîte. La règle, rappeur d'instinct, ne se déplace pas pour rien. 94, département de fou furieux. Wesh, wesh, qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? M.E.H. Chico MC, RLF, MAO2F. Branche ton GPS. Et vas-y, viens dans ma tête. Bouge dans la ville de gauche, on arrive, c'est hoche. On a la rime qui fauche tout sur Paris. Bouge dans la ville de droite.